L'épée fourchue, roman de Gustave Aimard, J.B. d'Auriac, lu par Rami Lagrobis pour le compte de audiocite.net, sous licence creative.commons.org.